Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. On se retrouve aujourd'hui au milieu de la forêt parce que on avait lancé une thématique sur Instagram posant la question du rapport entre les pratiques ésotériques et la nature et l'environnement. Et du coup, on trouvait cool de profiter d'un moment où on était en nature pour parler de ça. Voilà, on est vraiment super bien. Alors du coup, on n'a pas notre micro, donc on espère qu'au niveau du son, ça va aller. Et puis, on va reprendre les différentes réflexions que vous avez apportées sur Instagram sur ce sujet. Et puis nous aussi, on va apporter notre réflexion et nos expériences. Bon, alors j'ai ici un peu toutes vos réponses et elles vont toutes à peu près dans le même sens. On va prendre les unes après les autres, sachant qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup. Et on va voir qu'est-ce que ça nous évoque en fait. La première, c'est une pratique sans respect des conséquences écologiques n'a pas vraiment lieu d'être. Alors nous déjà pour commencer, on voudrait juste préciser qu'on n'est pas dans le jugement du tout et qu'on est loin d'être parfait. On a conscience que certains de nos actes sont loin d'être écologiques et dans le respect de l'environnement. On en a conscience et on essaye de travailler dessus petit à petit, mais aujourd'hui on n'est pas parfait et on n'est pas... Voilà. Et on sait que c'est pas facile pour tout le monde en fonction de son état de conscience par rapport à ces sujets-là, en fonction aussi de son environnement de vie, de son cadre de vie. On n'a pas tous les mêmes possibilités, les mêmes actions non plus. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le jugement, mais on est vraiment dans la réflexion par rapport à ça. En fait... Ce qui est important de sentir, c'est que du coup, je pense atteindre une perfection sur ce sujet-là, c'est probablement très très très compliqué. Ce qui est important par contre, c'est de comprendre la place, ou en tout cas le coût environnemental de ce qu'on fait. Ce qui fait que du coup, on peut en tout cas réduire au maximum et puis justement influer le plus possible là-dessus. En tout cas, cette réflexion, ce qu'elle dit, c'est que... Il y a vraiment un lien entre les pratiques et l'environnement, la nature, puisqu'elle dit que... Que ça n'a pas lieu d'être une pratique sans respect de l'environnement. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se posait beaucoup parce que aujourd'hui, nous-mêmes, aujourd'hui on vit en ville, on est quand même dans une société avec des problématiques écologiques qui sont dramatiques. Et finalement, quelle est la place de nos pratiques ésotériques, sachant que s'il y a des pratiques aujourd'hui qui sont modernes, par exemple le néopaganisme, je pense à la magie du chaos, je pense au néo-chamanisme, toutes ces pratiques modernes, pour autant elles ont tous quand même, elles prennent toute leur origine dans des traditions ancestrales qui étaient complètement en accord avec la nature, en harmonie avec la nature. Et du coup c'est en ça que c'est vrai que pour nous c'est difficile en fait de les dissocier, et on se posait la question si pour les autres aussi, et apparemment oui, donc on doit être potentiellement sur le bon chemin. Par exemple, on a une autre réflexion qui dit c'est important d'en tenir compte et d'utiliser les ressources de chez nous et éviter l'importation. Ouais. Ça, c'est un autre point qui est assez intéressant, en tout cas. Après, effectivement, comme disait Marie, on n'est pas parfait. Donc nous, on a aussi commencé au début par se dire, OK, traditionnellement, on utilise de la sauge pour ça, on utilise du palo santo pour ça. Et en fait, ce n'est pas des matières qui viennent de chez nous. Et du coup, ça, c'est une des premières questions. C'est déjà de voir, en tout cas, dans les pratiques qui se font dans notre milieu local, voir qu'est-ce qui a été utilisé. Par exemple, si je prends un exemple concret, on sait que les druides celtiques, en tout cas, ou les chamans celtiques aussi, ils utilisaient du thym pour la purification. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, ils n'avaient pas la sauge qui pouvait venir facilement d'Amérique du Nord. Il y a des ressources locales, en tout cas, qui permettent d'être utilisées pour ces pratiques. Du coup, la première chose, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Oui, alors en fait, ce que dit là Alix, ça rejoint beaucoup d'autres réflexions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, pour purifier, que ce soit nous, que ce soit une pièce, que ce soit un objet, des cristaux par exemple, il est utilisé une plante qui s'appelle la sauge ou le palo santo qui est une écorce d'arbre. Et en fait, avec le renouveau spirituel qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés, qui est quelque chose de très positif en soi, ça fait que on a beaucoup sollicité ces matériaux-là qui viennent pas d'Europe, qui viennent d'Amérique, soit Amérique du Nord, soit Amérique du Sud, et qui du coup ne sont plus utilisés, qui ne sont plus cultivés dans le respect de ces plantes-là. Par exemple, le palo santo, qui sont directement récupérés d'arbres en bonne santé, mais qui du coup sont en train de les détruire, et on est en train petit à petit de détruire cette espèce d'arbre en fait. Et donc c'est pour ça en fait qu'Alix dit aussi de regarder ce qu'on a au niveau local, en effet pour éviter d'aller chercher des ressources qui ont un coût environnemental qui est fort. Quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi intéressant d'aller utiliser des ressources locales, parce que on pense que ça a un impact aussi dans notre magie, dans nos rituels, qui est beaucoup plus important. Parce que au-delà d'aller choisir quelque chose qui a le moins d'impact environnemental en sauge ou en Palo Santo, c'est que c'est aussi une forme d'appropriation culturelle qui n'est pas, qu'on ne remet pas forcément en question. Hein. C'est intéressant aussi d'aller chercher dans d'autres cultures, mais on a aussi tout intérêt à comprendre nos cultures à nous, et de comprendre ce qui nous environne et de les utiliser, parce que énergétiquement ça sera d'autant plus fort, parce qu'on est forcément plus connecté à ces matériaux là. Je pense que en tant qu'Européen, on est beaucoup plus connecté à des plantes comme le thym par exemple que au Palo Santo ou à la sauge, et que potentiellement du coup ça aura beaucoup plus d'impact parce qu'on utilise quelque chose de local dans son environnement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bien sûr. Là, on va essayer d'utiliser du coup un élément naturel dans son propre milieu, ce qui fait que du coup, il y aura probablement des meilleurs liens, en tout cas, entre l'utilisation de cet élément et le milieu dans lequel vous faites. À savoir, comme Marie a donné un exemple pour le Palo Santo, je sais que par exemple aussi pour la sauge, il y a des producteurs qui sont des natifs amérindiens, qui ont développé en tout cas un label ou une certification, je ne sais plus exactement, qui permet justement de, quand on a ce label ou cette certification, de montrer que cette sauge, elle a été élevée dans des pratiques, et en tout cas qu'elle profite à une culture pour qui ça fait du sens. Oui, et puis... Non. Ça, c'était bien, ça. Ouais, Gérard Tout à fait, Thierry. Oui, et puis du coup, ça nous permet aussi d'avoir une connexion à ce qu'on utilise, dans le sens où je dis pas qu'il faut arrêter d'acheter quoi que ce soit, parce que nous, on achète beaucoup de choses dans notre quotidien par facilité, parce qu'on vit en ville et que voilà. Après, c'est vrai que le fait d'aller ramasser aussi une plante qui est locale, là, on prend l'exemple de la plante parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus revenu dans les messages, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Bien sûr. Ça peut être par exemple pour vos runes, d'aller ramasser du bois à côté de chez vous ou des cailloux à côté de chez vous. Mm-hmm. Ce genre de choses, ça va aussi créer un lien entre vous et l'outil, l'objet magique que vous allez utiliser dans votre pratique. Et je pense que ça sera d'autant plus bénéfique pour vous que d'aller l'acheter directement en fait. Ça aussi, je pense que ça a un impact de créer ce lien. Du coup, par exemple, moi je sais que la sauge, je l'utilise. Donc il y a deux formes de sauge. Il y a la sauge blanche qu'on utilise en fumigation, que vous connaissez sûrement, les bâtons de sauge. Et il y a aussi la sauge qu'on appelle médicinale, qui n'a pas du tout la même utilité et qui a des utilités plus dans l'herboristerie ou la magie verte, que je fais pousser moi-même. Donc du coup, c'est pas une plante qui vient de chez moi, surtout en Suède, autant vous dire que de la sauge, ça doit pas pousser à tous les coins de rue. Mais par contre, je l'ai fait grandir chez moi, et du coup, j'ai un autre rapport aussi à cette plante. Le thym, par exemple, ça pousse pas à côté de chez moi en Suède, hein, mais je l'ai fait pousser chez moi dans ma jardinière. Alors j'en ai pas des très grosses quantités, mais du coup, le peu que j'utilise, j'ai créé ce lien avec la plante aussi. Et du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Là, du coup, ça fait une transition vers un autre point qu'on allait évoquer, qui est sur la consommation, justement. Sur la quantité de ce qu'on consomme, etc. Tout ça. Donc ça, c'est une deuxième chose à prendre conscience, c'est qu'effectivement, on peut importer de temps en temps des produits, on peut se vérifier l'origine ou ce genre de choses, mais aussi, en fait, il faut prendre conscience de la quantité en fait, qu'on utilise pour les rituels. Moi, je connais des pratiques où la sauge, on l'utilise vraiment quand on fait un rituel, mais pas forcément quand on fait chaque pratique ou un voyage chamanique. On n'a pas besoin forcément d'utiliser de la sauge à chaque fois. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais effectivement, du coup, le fait d'avoir ce rapport différent avec le produit en lui-même, ça permet aussi de se dire, quand je l'utilise, parce que j'en ai moins, j'utilise vraiment avec une intention forte, et je l'utilise vraiment pour une utilisation particulière qui fait vraiment du sens. Et ça, du coup, je pense que c'est vraiment un point important. Parce que, comme tu disais pour tout à l'heure, pour le Palo Santo, justement, pas mal de pratiques ont explosé avec l'utilisation de ça, ce qui fait que, du coup, l'offre, enfin la demande a augmenté, l'offre a suivi parce qu'on est dans un monde justement où l'offre et la demande ça fonctionne très fortement ensemble et du coup ça permet de développer des business. Et du coup justement le business du Palo Santo a bien fonctionné, mais du coup maintenant on arrive à des choses où la pratique, en tout cas le développement de ce produit est plus en lien avec la pratique et du coup l'impact est malheureusement pas bon en tout cas pour la nature. Ouais. Ouais, du coup, il n'est pas bon et pour l'environnement et pour votre pratique, puisqu'il n'a pas été, il a pas été extrait, cultivé dans des bonnes conditions où on respectait ces traditions ancestrales. Le Palo Santo, ce n'est pas juste une écorce d'arbre, ça a toute une histoire. C'est une histoire qui est liée au sacré, à des traditions qui sont très fortes en Amérique. Et du coup, en faisant une surproduction et une surconsommation, on enlève tout ce sacré et je suis même pas sûre du coup que c'est un réel impact dans nos pratiques après à nous, ou en tout cas pas aussi forte quoi. Je trouve aussi très intéressant quand tu dis que le fait d'en avoir moins, du coup on n'a pas du tout le même rapport à la chose, parce qu'en effet quand on va faire un rituel, une pratique quelle qu'elle soit, la conscientisation, la visualisation, l'intention mais est 10 fois plus importante que n'importe quel outil que vous aurez. Et j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus importante que l'origine de votre sauge ou de votre Palo Santo. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur outil du monde si vous-même, vous n'êtes pas dans votre pratique, que vous n'avez pas l'intention et la conscience de ce que vous faites dans votre rituel, il ne marchera pas finalement. Donc vous avez tout intérêt à vous concentrer plutôt là-dessus, même si, je ne vais pas mentir, moi j'ai plein d'outils parce que j'aime ça et parce que ça m'aide, mais j'ai quand même conscience que ces outils-là ne remplacent pas moi, en fait, et que c'est moi mon principal outil, finalement. Tout à fait, c'est exactement ça, en fait. Par exemple, dans l'utilisation de cristaux en chamanisme, par exemple, ça décuple, justement, une utilisation. Mais c'est-à-dire qu'en soi, le cristal, il ne va pas faire quoi que ce soit tout seul. C'est-à-dire que du coup, il va accompagner votre pratique. C'est exactement ça, comme tu dis, c'est des outils. Donc les outils sont là pour accompagner la pratique, mais en aucun cas, l'outil ne fait la pratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des rituels de purification sans matériel. Il existe d'ailleurs, en fait, pas que pour la purification, mais pour beaucoup de différents rituels. En fait, le plus important, justement, c'est l'intention, c'est ce que vous allez y mettre derrière, et justement, ce n'est pas ces choses-là. On est d'accord, comme dit Marie, qu'on a tous des outils, qu'on va les utiliser aussi. Et justement, ces outils, il faut qu'on les prenne comme étant des aides, en fait, dans notre pratique, et non pas « si j'ai pas ça, je peux pas faire ma pratique ». Il faut que ça nous accompagne dans la pratique, ça peut nous aider à prendre confiance, ça peut nous aider à fixer notre intention, mais il faut bien qu'on garde en mémoire que notre intention, en fait, elle ne dépend pas de nos outils, et qu'elle est, ce qu'elle est en soi. Il y a une autre réflexion qui dit « La magie est partout dans la nature, elle en est l'essence même, à nous de la préserver. » Et ça va un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, dans le sens où un des principaux outils au-delà de nous, c'est en tout cas nous, de ce qu'on a compris de nos pratiques. Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les pratiques, mais j'ai l'impression quand même dans beaucoup de pratiques, elle est quand même fortement liée à la nature. Par exemple, si vous avez l'habitude de célébrer la pleine lune ou la nouvelle lune, vous êtes complètement lié à un élément fort de la nature. Le fait d'appeler des éléments, par exemple, si vous avez l'habitude de créer un cercle en Wicca ou autre, vous allez appeler l'élément eau, l'élément terre, air et feu. Si vous utilisez une bougie, vous utilisez l'élément feu, par exemple. Donc tout ça est en lien très fort avec la nature et du coup, ça a d'autant plus de sens d'en faire attention, de la préserver, parce que si vous avez cette conscience du lien avec la nature qui vous environne, et que c'est elle qui vous fournit tous ces bénéfices, et que vous, en retour, vous devez redonner. Et c'est un petit peu des réflexions qu'on a sur tout, hein, le fait de on te donne, tu rends. Ça va avec quand on disait qu'on faisait des prières, qu'on donnait des offrandes dans une autre vidéo à des divinités, c'est parce que voilà, elle nous donne, on rend. Et là, avec la nature, c'est exactement le même principe. D'autant plus si vous considérez que les divinités sont des personnifications de la nature. Là, clairement, ça a du sens de se dire « Ok, je travaille avec la nature, donc je la préserve et je fais attention. » Justement, en fait, ces utilisations d'outils en fait, par rapport à nos pratiques, c'est intéressant de voir que dans certains exercices, justement, il y a des outils qui servent en tant que symbole. C'est-à-dire que du coup, ils sont là en fait vraiment en tant qu'accompagnateurs. Alors bien sûr, il y a des outils comme ce que je vous disais tout à l'heure, les cristaux, qui vont cela décupler une autre, ils vont décupler quelque chose. Mais par exemple, si vous voulez matérialiser l'élément feu, vous pouvez mettre une bougie. On est d'accord que la bougie, elle peut vous servir en tant qu'outil, mais elle va servir symboliquement de représentation du feu en tant que bougie. Ce qui fait que du coup, concrètement, que vous utilisiez une bougie, que vous fassiez une visualisation du feu, que vous ayez une image de feu ou quelque chose qui vous représente pour vous l'élément feu devant vous, de toute façon, ça, le côté symbolique et en tout cas le côté intentionnel de cet élément feu dans votre pratique sera potentiellement le même, justement. Et du coup, ça, c'est une autre façon d'aborder le changement de consommation, en tout cas, et le besoin d'outils, ou en tout cas l'utilisation d'outils dans nos pratiques. Oui, en fait, le fait est que, comme aujourd'hui, on vit quand même beaucoup en ville, ou même si on vit à la campagne, on n'a pas forcément la possibilité d'être assez isolé pour pratiquer dans le secret, si je peux dire, parce qu'on n'a pas forcément envie que nos voisins nous voient en train de danser à moitié nu autour d'un feu. Ce qu'on comprend, du coup bah, on va créer nos rituels en intérieur et de ce fait bah, pour se sentir connecté aux éléments on va les représenter potentiellement physiquement, et alors que oui, comme dit Alix, une visualisation peut tout à fait suffire. Après c'est plus de travail, c'est certain, mais c'est possible. Une image aussi, par exemple je pense à l'air, pour représenter l'air, souvent les gens utilisent justement la sauge ou le palo santo ou un encens en général. Moi je sais que dans certains cercles, quand j'ai envie de faire plus simple, bah, je vais utiliser une plume, que Alix adore ça, donc il en ramasse 4 par semaine. Donc du coup on a plein de plumes, et bah, la plume pour moi aussi est une bonne représentation de l'élément air, et là finalement j'utilise que quelque chose qu'on a ramassé dans la nature. Et voilà. Et aussi, je profite de ce sujet-là pour dire que si vous avez des occasions de pratiquer en nature, je veux dire là, par exemple, un environnement dans lequel on est, c'est juste mais idyllique. Après, on n'a pas forcément tous accès à des lieux comme ça, mais si vous avez quand même la possibilité, essayez. Et du coup, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de toutes ces représentations. Vous n'aurez pas besoin de représenter des éléments parce qu'ils sont déjà autour de vous. Je sais pas si vous entendez, mais nous on a une petite cascade, une petite rivière, donc on a l'eau, l'air il est là, enfin je veux dire il est toujours là de toute façon, la terre on est dessus, et à la limite il y aurait que le feu à représenter, et le feu comme vient de montrer Alix, on a le soleil en plein sur nous, donc on a aussi une représentation du feu. Et du coup je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais si vous avez l'occasion de temps en temps, bah faites-le, et puis peut-être provoquez ces moments, parce qu'on n'y pense peut-être pas forcément. Et voilà, une balade en forêt, hop, on s'isole une demi-heure pour faire son rituel, et finalement ça sera beaucoup plus fort qu'avec un bol d'eau, une bougie, même si c'est déjà même si c'est très bien, hein, c'est pas du tout dans le jugement. Nous, c'est ce qu'on fait la majorité du temps aujourd'hui, hein, mais voilà, c'était aussi. Sûr. Du coup, si vous avez aussi la possibilité, en fait, je vais donner un petit exemple, parce que moi je l'aime bien, ce petit exemple. En fait, de se dire, d'essayer de comprendre en fait l'utilisation classique, en tout cas d'un élément, et de regarder si dans votre sens, en tout cas dans votre pratique et à votre niveau local, si ça fait toujours du sens. Moi, je sais que par exemple, j'ai lu un ouvrage complet sur du chamanisme amérindien, où du coup, il faisait beaucoup d'offrandes de farine de maïs. Et je me suis posé la question, est-ce que j'achète de la farine de maïs pour faire mes offrandes aussi? Et ensuite, je me suis rappelé quelque chose, c'est que pour les Amérindiens, du coup, le maïs, c'était le symbole de la prospérité, le symbole de l'abondance, c'était la nourriture principale, c'était etc. Donc, c'était un élément fort pour eux, en fait. Mais concrètement, pour moi et ma pratique, le maïs, moi, c'est un élément parmi tant d'autres. Du coup, j'ai préféré prendre une farine que j'avais déjà, voire privilégier, si je pouvais, dans mon cas, du coup, une farine de blé suédoise, qui du coup pour moi fait plus de sens en tant que don ici, lorsque je fais une pratique, que d'avoir acheté une farine de maïs pour faire cette pratique-là. Et d'autant plus que là, dans ce cas-là, c'est purement un symbole, puisque du coup c'est une offrande, donc l'intention est beaucoup plus importante que l'élément lui-même. Du coup ça, c'est un truc que je peux adapter localement très facilement. On a à peu près, je pense, relevé toutes les réflexions que vous aviez partagées avec nous sur Instagram. Vous étiez très nombreux et nombreuses, donc merci beaucoup. Vous alliez à peu près tous dans le même sens, et du coup quand même pour conclure, dire que même si je sais qu'il y a certaines pratiques qui ne sont pas aussi liées à la nature, nous c'est le cas, donc pour nous c'était vraiment important de faire cette vidéo. Nous, notre pratique, elle est basée sur l'harmonie, l'équilibre et la relation avec les éléments, avec Mère Nature, avec toute cette force qu'il y a autour de nous. Et du coup, je pense que c'est important de revenir à l'essentiel et que tout ce que vous pouvez voir par ailleurs, voilà, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de notre hôtel où il y a le petit chaudron, où il y a le, où j'ai un atamé aussi parce que je pratique la Wicca, ce genre de choses. Plus le temps passe et plus je me rends compte que je suis contente d'avoir ces outils-là parce que c'est des symboles pour moi, mais que ce qu'il y a de plus fort et ce que j'ai autant intérêt à travailler, c'est ma connexion à la nature. Et c'est les moments que je vis là, en ce moment, tout de suite, là, maintenant, ici, là, dans cette forêt, qui m'apportent tellement plus en magie, en spiritualité, en connexion, en harmonie, et où je me sens beaucoup plus à ma place dans ma pratique que en ayant acheté mon chaudron sur internet. Même si je suis quand même très contente de mon chaudron, hein, ça va de soi. Tout à fait. Mais en fait, ça relie ce qu'on avait dit dans certaines autres vidéos ou quoi, mais en tout cas, utilisez des produits, ou en tout cas faites votre pratique en fonction de votre ressenti. C'est-à-dire que si vous lisez là, traditionnellement, on utilise du bâton de sauge, il n'y a aucun mal à se dire j'achète un bâton de sauge, j'essaye de faire ça et tout. Mais n'hésitez pas à vous dire, ben je sais pas, moi là je le sens plus, ce soir j'ai envie d'utiliser du thym, ou je me sens plus d'utiliser une feuille de laurier, ou voilà, faut pas hésiter en tout cas à se dire ça, à faire au ressenti. Si vous sentez justement qu'il y a quelque chose de local qui vous parle plus, qui justement ça fait partie de votre contexte et de votre milieu plus naturel en tout cas, faut pas hésiter là-dessus. Comme on vous disait, l'intention elle est très probablement, et elle est de toute façon, plus importante que l'outil en lui-même. Du coup, si vous vous sentez mieux avec une feuille de laurier qu'avec un bâton de sauge, il n'y a aucun problème, purifiez avec une feuille de laurier. Et du coup, ça va vous permettre en tout cas d'être plus en lien avec votre pratique, puisque vous la seriez vous-même appropriée. Ça sera une utilisation du laurier qui sera plus proche de son élément naturel. Bah, du coup, ça, c'est quand même un cercle vertueux, quelque part, de réussir à se poser ces questions et à y répondre. Et du coup, de se rappeler cette connexion qu'on a à la nature et qu'elle est sûrement la plus magique en soi, et que c'est beaucoup plus magique que n'importe quel outil, et que et voilà, si vous pouvez essayer de vous en rappeler quand vous pratiquez, je pense que déjà ça va nous amener sur le bon chemin. Voilà, et ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt avec plein d'autres sujets. Nous, on va aller profiter de la forêt. Et puis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.